on propose le dimanche symphonique pour entamer cette troisième journée du Radioton de CKRL. Journée toujours bien remplie parce que ça se termine logiquement par l'émission de fermeture où on fermera nos 95 lots d'encan. C'est un record, il y en a beaucoup. Je serai en compagnie d'Agnès Maltais à ce moment, comme toujours. On a une dynamique d'enfer pour fermer les lots d'encan. Également, on aura Paul-André Cassidy qui va être là, accompagné de Vincent Gagnon au piano, sa fille Lou Adriane aussi qui va se joindre à nous pour quelques interprétations sur scène, question de dynamiser cette soirée de fermeture du Radioton 2018. Il faut passer à travers cette journée et on le commence, comme je le disais, avec le dimanche symphonique. Trois personnes avec moi autour de la table pour parler de cette saison de l'Orchestre symphonique de Québec, mais aussi de la vie de musicien, entre autres. Alors, Carl Langelier, directeur du marketing et des communications, qui est avec nous. Bonjour, Carl. Allô, comment ça va? Ça va très, très bien. Super. Merci. Longue vie à CKRL, longue vie à l'orchestre. Ben oui, longue vie à ce beau partenariat. On a Emmanuelle Pékin, directrice de la médiation culturelle et de projets spéciaux. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour, Tania. On s'est parlé longuement l'an dernier. Oui. Et on reprend aujourd'hui, mais avec d'autres collègues. C'est parfait, comme aussi, ça. On a aussi Benoît Cormier, violoniste, qui est avec nous. Bonjour, Benoît. Bonjour. Donc, la portion vie de musicien. On va s'adresser plus à toi. Oui, j'en ai long à dire là-dessus. Parfait, j'ai hâte. Mais je parlais de la programmation. On va débuter avec un tour d'horizon de ce qui s'en vient pour 2018-2019. Vous avez lancé récemment cette programmation. Toujours un grand travail de travailler avec des artistes internationaux aussi. Ça doit être tout un casse-tête d'aller faire cet horaire. Carl, comment vous avez découpé la programmation cette année? En fait, c'est un travail de longue haleine, évidemment. Ça se fait probablement, je te dirais, de 1,5 à 2 ans avant la saison qui est projetée. Pour remplir la case, finalement, il faut d'abord booker les dates avec le Grand Théâtre, parce qu'il y a plein de concerts qui sont là. Puis ensuite, bon, il faut remplir les trous avec les chefs, mais aussi les solistes et les artistes invités qui viennent. Alors, c'est pas facile, c'est de la magie. C'est notre ami Joël, qui est le directeur artistique chez nous, qui a fait ça. Et une fois que c'est fait, ben, il nous passe la balle au bon pour que nous, on ponde, dans le fond, tous les outils marketing et de communication pour en arriver à quelque chose là, qui se tient, qu'on a présenté la semaine passée au public. Et comment vous l'avez découpé? Parce que, sans dire qu'il y a des séries, vous les avez regroupées sous des thèmes, ce qui fait que quand on apprécie un genre de musique, on est capable de savoir tout de suite quelle date on doit réserver à notre agenda. Oui, on essaie d'éviter le mot « série » parce qu'il y a beaucoup de diversité dans chacune des thématiques, dans le fond. On essaie de catégoriser chacune des soirées de concerts. Comme par exemple, il y a les mercredis classiques où on offre des préludes et des pré-concerts, dans le fond, aux gens qui viennent sur place. Donc, si le concert est à 20h, il y a des musiciens, par exemple, du conservatoire qui vont venir faire une prestation. Il y a des gens qui vont venir parler du concert, nous dire, par exemple, quelles étaient les intentions du compositeur lorsqu'il a fait cette pièce, dans quelles conditions il l'a fait, pourquoi il a fait tel mouvement. Donc, c'est super intéressant. C'est comme un petit cours accéléré 101 de musique. Et il y a nos concerts qui viennent avec ça. Je donne un autre exemple. Si on va au jeudi presto, on a, oui, ces petits pré-concerts-là, mais on parle surtout de quelque chose qui va être beaucoup plus rapide. On a le même concert au niveau contenu et efficacité, je te dirais, amour de la musique, mais c'est fait pour les aléas du quotidien, par exemple. Quand on finit de travailler, on veut, à 7h30, aller au concert directement, pas d'entracte, on retourne chez nous après. Bingo, c'est réglé. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé les jeudis presto. Les jeudis presto. Mais ça, c'est une démarche vraiment qui veut entrer dans le quotidien des gens. Donc, c'est de s'arrimer voilà, à la réalité des gens, à la réalité du public. Ben, qui oui, n'ont pas nécessairement le temps, c'est malheureux, là, mais d'aller passer une soirée complète dans une salle de concert. Ben, on parle à notre monde, puis on l'écoute. Et il y en a qui nous disent « Moi, j'ai plein de temps. » Alors, ceux qui ont plein de temps, allons-y le mercredi, pré-concert, prélude, concert avec entracte. Ceux qui sont plus pressés, allons-y le jeudi. Il y a des gens aussi avec la famille. Il y a des gens qui nous disaient « Ben, j'aimerais ça aller à l'orchestre, mais j'ai des enfants. Ils ont 5, 6, 12. Qu'est-ce que je fais avec eux autres? » Bon, on a mis dans une case horaire d'abord les dimanches, par exemple, au dimanche Beethoven. Et on a ajouté un atelier garderie avec ça, qui est gratuite. Alors, c'est pas compliqué. Les parents s'achètent 2 billets, viennent au concert, puis nous, on s'occupe de leurs enfants gratuitement. On les amène en haut au Grand Théâtre, on leur fait essayer des instruments, on leur fait des simulations de composition de symphonie, par exemple. Ils peuvent descendre ensuite en coulisses, rencontrer les musiciens, assister à un petit bout de concert. Alors, tout ça, c'est tout le monde y trouve son compte. Puis, nous, on réussit à rejoindre notre public cible aussi. Ben oui, en plus, vous libérez les parents et en même temps, vous sollicitez un nouveau public. Hein? Exactement. Pour grandir. On fait du placement. C'est bon, ça va commencer jeune. Les banques devraient nous engager. On fait du placement, c'est ça. Sinon, dans les... Sinon, si on continue, il y a l'orchestre au palais, dans le fond. C'est simplement au niveau de la sonorité, je vous dirais, juste l'effet de se retrouver dans une salle qui est une des meilleures salles au monde, Benoît pour en témoigner. Tout à fait, oui. Où on est très près du public, où les musiciens, il y a une espèce d'intimité qu'on réussit à recréer dans cet endroit-là. L'acoustique est, j'emploie le mot, écœurante. Ouais. Donc, c'est ce que les gens recherchent, donc ils vont pouvoir retrouver ça dans les trois concerts qu'on offre au palais. Et enfin, on a les concerts Pop Hydro, parce qu'on parlait des concerts famille tout à l'heure, mais on a les concerts Pop Hydro je m'amuse à dire qu'on aime ça mettre... on a un public cible pour ça, évidemment. Oui. Un des objectifs aussi, c'est peut-être, puis je disais ça dernièrement, de placer un petit capteur chez certaines personnes qui sont jamais venues à l'orchestre symphonique et de les sensibiliser à l'orchestre et au pop, par l'intermédiaire du pop, pour dire peut-être dans 3, 4, 5 ans, « Ah oui, ça, c'était le fun, quand on allait voir telle personne. Du classique, ça serait peut-être pas pire aussi d'y aller. » Alors, le capteur va faire son effet avec le temps, puis on espère les ramener dans d'autres séries de concerts éventuellement. Puis ça a fonctionné la semaine passée. Là, on a eu, entre autres, Rock Voisine, on a eu Alex Nevsky dernièrement, puis il y a un public qui avait 25-30 ans à qui on a pris la peine de parler après le concert. Puis ils ont été emballés. Et là, on a eu le feedback qu'on voulait avoir. Hey, moi, je vais revenir. Au niveau du classique, qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce que je devrais venir voir? Tchaïkovski, viens voir ça, c'est bon. C'est qu'on espère aller voir. Ce qu'on fait aussi, mais en fait, pour les concerts populaires, ce que les gens sous-estiment quelquefois, c'est que ce sont vraiment des concerts symphoniques. Donc, c'est pas nécessairement un show pop avec un orchestre en arrière-plan. C'est vraiment une expérience symphonique dans laquelle l'artiste s'immerge. Souvent, pour la première fois, ou en tout cas, ils font pas ça souvent, ils ont pas cette chance-là de pouvoir s'offrir 65 musiciens régulièrement. Donc, c'est vraiment fascinant de voir comme un gars comme Rock Voisine qui se met complètement à nu. Il y avait pas de guitare, il était juste comme debout devant un micro, puis il a chanté toute la soirée, tu sais, avec ce tapis orchestral, parce que les couleurs puis les nuances qu'on parvient à faire, on peut pas reproduire ça dans un autre contexte là, avec un band plus pop là. Ça, c'est certain. Emmanuel? C'est vraiment une expérience unique, là. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la valeur des concerts pop symphoniques. C'est une expérience incroyable là, pour le public, mais aussi pour l'artiste pop qui le vit, et puis évidemment aussi pour les musiciens de l'orchestre. Oui, pour les musiciens aussi, ouais. Alors, c'est vraiment un produit unique et très intéressant. Ouais. Et c'est rare que les gens chantent à l'orchestre symphonique, peu importe de quelle ville, et là, ça peut arriver. Ouais. J'ai assisté au concert d'Alex Nevsky. Et là, j'avais des voisines qui chantaient avant les papapap. J'étais comme, chut, on va entendre l'orchestre. Ouais. Il y avait du Darlene cette semaine aussi. Mais c'est intéressant parce qu'on décompose parfois pratiquement l'intégralité des pièces. Quand l'orchestre se met à jouer, les gens ne reconnaissent pas quelle chanson on est en train d'entamer. Mm-hmm. Et même Rock Voisine, pour le nommer, mais les autres les artistes parce aussi. Parce qu'il était là avant jeudi. Ça arrive qu'ils ne commencent pas au bon endroit. Ça arrive qu'ils se cherchent dans la chanson puis qu'ils se demandent où commencer parce qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas dans le fond leur pièce. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment qu'on amène ce type d'artiste-là complètement ailleurs. Et dans cette catégorie de spectacles, il y a aussi Hollywood. Donc, c'est là qu'on se rend compte que la musique symphonique, la musique d'orchestre, fait partie de nos vies sans qu'on s'en rende compte. Oui. L'année prochaine, on a, en fait, pour les concerts pop, il y a deux vedettes québécoises qu'on essaie de toujours... On table sur les vedettes québécoises, évidemment. Donc, on aura Catherine Major qui va être appuyée par Ariane Moffat. Donc, c'est un concert qu'on espère assez éclectique et haut en couleurs, parce que c'est deux personnes qui sont vraiment aux antipodes, je pense, dans la façon dont ils pratiquent leur art. Mais mis ensemble, ça va être quelque chose d'assez éclaté. Et Pierre Lapointe, qui est partout de ces temps-là, vient de sortir un nouvel album. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Et on a un arrangeur de France aussi qui travaille avec lui présentement pour travailler sur ce concert-là. Hollywood Cat, donc c'est la quatrième année. Cette année, c'était complet. On est obligé de faire une supplémentaire. C'est très couru. Cette année, on va faire des musiques... On va commencer avec des musiques qui rejoignent un peu le cinéma, vraiment du début du cinéma. Ben-Hur, par exemple, c'était Pâques cette semaine. Ben oui, Ben-Hur, Jésus de Nazareth. Ouais. Et on remonte à des choses comme Titanic, Avatar. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Et quelque chose qui est un peu plus récent, je te dirais, c'est ça commence à faire le tour, ce type de concert-là, la Symphonie du jeu vidéo. C'est un spectacle interactif où on aura une chef. Ça, c'est assez rare quand même. Hein. On a deux. Deux chefs cette année. Mais on aura Dina Gilbert qui va être avec nous, qui va diriger ce concert-là. Donc, ça va être très, très intéressant. Alors, ça, c'est nos quatre concerts pop. Et déjà, quand on les a annoncés la semaine passée, ça bougeait déjà au guichet, là. C'est certain, une programmation, encore une fois, complète pour 2018-2019. Et il y a un lot d'encans du Radioton de l'Orchestre symphonique de Québec. Merci, d'ailleurs. C'est un forfait à la carte. Hein? Donc là, on vous a nommé quelques concerts et peut-être que la musique va vous convaincre. Je vous propose d'entendre un extrait du concert qu'on pourra voir le 27 septembre prochain avec Marie-Nicole Lemieux. Voici le Chant de la Terre de Mahler. Un extrait du Chant de la Terre de Mahler qui sera présenté le 27 septembre avec Marie-Nicole Lemieux à l'Orchestre symphonique de Québec. Benoît Cormier, il paraît que ça, c'est un grand cadeau, du moins que c'est rarissime. Oui, exactement. Il y a quelques œuvres comme ça dans tout le répertoire qui reviennent très rarement dans les saisons, dans les programmations. Puis le Chant de la Terre, c'est un exemple d'un grand, grand, grand chef-d'œuvre qui est trop souvent peu joué. Et donc on le fait, moi ça va être mon baptême là, t'sais, en presque 20 ans là, 20 ans de carrière déjà, mais ça va être vraiment extraordinaire. Et pourquoi c'est peu joué? Je pense que c'est une pièce qui demande un effectif orchestral très imposant, donc il y a beaucoup d'instrumentistes à convier, il y a une complexité dans la partition aussi qui n'est pas évidente, et au niveau des solistes, les deux solistes chanteurs, c'est vraiment une prouesse de pouvoir faire ça, donc il y en a très peu là sur la planète, disons, qui ont ce répertoire-là dans leur carton. Donc on a vraiment la chance. Je sais que Marie-Nicole, c'est une œuvre qu'elle a adoptée il y a déjà quelques années, puis qu'il l'habite beaucoup. Et puis, je pense qu'on a un ténor qui va se joindre à elle. Michael Shade. Oui, c'est ça. Qui, lui, Il a enregistré cette pièce-là avec Pierre Boulez, donc déjà avec l'Orchestre philharmonique de Vienne. Donc, c'est vraiment, qui est vraiment une version de référence du Chant de la Terre. Donc, on a, c'est comme incroyable qu'on puisse l'avoir chez nous, là. Ouais. Et même pour un chef, c'est assez. Les œuvres de Mahler sont complexes en soi. Ouais. Et avant de s'attaquer à du Mahler, les chefs semblent avoir un certain recul. On commence pas une carrière avec du Mahler. Et tu vois, dans la brochure de programmation cette année, ouais, on a demandé à Fabien de nous en parler. Puis il nous disait, puis je le cite, là, j'ai longtemps hésité à aborder Mahler, soit par pudeur, soit par crainte de ne pas saisir l'architecture de ses monumentales symphonies. Donc, il y avait déjà, lui, un certain recul par rapport à ça. Et c'est Marie-Nicole qui l'a convaincu de jouer cette pièce-là avec nous l'an prochain. Donc, peut-être un petit entraînement supplémentaire quand on a du Mahler dans la programmation. Ouais. Benoît, quand on voit la programmation, parce qu'en tant que musicien, vous n'avez pas nécessairement droit de regard, j'imagine. Est-ce que c'est, bon, voici ce qu'on va jouer cette année? Non. Non? Au contraire, on a la chance à Québec d'avoir une grande ouverture de la part à la fois des musiciens, à la fois de l'administration artistique. Et c'est beaucoup relié à un nouveau modèle d'affaires qu'on s'est donné tous ensemble il y a quelques années. On s'est enfermé dans une pièce, puis on s'est parlé. On s'est dit, on va faire... un lac à l'épaule. Oui, on va changer le modèle. Puis, en fait, c'est ça. Depuis ce temps, Fabien est très à l'écoute de ses musiciens. Aussi, ben, je vais le nommer parce qu'il est très important, Joël Brouillette, qui est le directeur de l'administration artistique, qui fait un travail vraiment formidable et très, très à l'écoute aussi. Puis, il y a comme une osmose. On n'a pas besoin nécessairement de se rencontrer là, officiellement, exemple, à chaque mois ou à chaque... Mais on se parle en continu. Donc, ça, c'est formidable. Puis, Avez-vous un groupe Facebook? Ah, on a un groupe Facebook. On a tout ça. Puis, il y a beaucoup d'œuvres qui sont la suggestion des musiciens. Oui, tout à fait. C'est très collaboratif. Là. Oui, exactement. Ah, ben c'est pas bon. Parce qu'on est 62 qu'il faut que ce soit lourd. Et puis, même si on était 90, j'aurais le même souhait. Là. Mais Benoît, ça ressemble à quoi la vie d'un musicien d'orchestre symphonique? Ben, en tout cas, professionnellement. Le premier mot qui me vient, c'est comme privilège. Là. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement... C'est tellement enrichissant, c'est tellement nourrissant pour un artiste d'avoir un véhicule comme ça pour s'exprimer. Là, c'est ça, à chaque jour, je le reconnais. Puis c'est comment, mais c'est très, très diversifié, ne serait-ce que par la programmation, mais aussi les rencontres. On fait des rencontres avec chaque jour différentes, soit avec des solistes, soit avec des chefs, des maestros. On parlait des chefs de Dina Gilbert, qui est toute jeune, qui va venir nous diriger. On l'a rencontrée dans Casse-Noisette récemment, donc dans le ballet Casse-Noisette qu'elle a fait avec brio. En décembre dernier. Donc, un très, très gros mandat pour une jeune chef. Casse-Noisette, ça a l'air de rien, mais il y a de la note là-dedans. Et donc, on a fait ça avec elle. Fait que c'est ces rencontres-là qui sont vraiment enrichissantes aussi. Puis, entre collègues, c'est du plaisir, en fait. Être musicien d'orchestre, c'est sûr, ça vient avec beaucoup, beaucoup de boulot, de préparation. Beaucoup de travail, de rigueur. Oui, rigueur. Il faut toujours remettre sur le métier nos trucs. Il faut travailler toujours très fort. Il y a toujours des nouvelles œuvres qui arrivent dans la programmation. Donc, qu'on n'a jamais joué. Il y a de la musique nouvelle aussi, carrément. Musique d'aujourd'hui qui est formidable. Donc, c'est ça. Beaucoup d'heures sur l'instrument, mais beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges. Et quand on regarde la programmation, là, quel artiste ou quelle œuvre t'a fait dire « Yes, on va jouer ça cette année? » Le Chant de la Terre. Oui. Mais à part ça, j'ai beaucoup d'attirance pour Stravinsky, personnellement. Donc, j'ai vu Petrushka, que ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas fait, mais avec Flip Fabric, ça va être vraiment incroyable. C'est une musique extraordinaire, tellement picturale, tellement évocatrice. Quoi d'autre? Quand on mentionne Philippe Fabric, ça veut dire qu'il y a une collaboration avec du cirque? Oui, c'est ce que j'allais dire. On essaie d'intégrer dans le fond. L'orchestre essaie d'être une espèce de centralisateur culturel à Québec de plus en plus. C'est un des mandats qu'on se donne. Et Emmanuel pourra vous en parler davantage tantôt. Mais comme cette année, par exemple, on a fait des choses avec le Conservatoire d'art dramatique, le Conservatoire de musique, le Bourgeois Gentilhomme, avec les écoles de danse. Donc, on essaie d'être être pas un mentor, mais quelque chose du genre pour faire participer, dans le fond, la collectivité culturelle. Les Flé Fabriques vont être avec nous cette année, donc. Le 31 octobre prochain. Et d'ailleurs, on va entendre un extrait de Petrouchka de Stravinsky. Et par la suite, ben, on va aller en publicité, mais on va aussi continuer de parler de la vie de musicien, mais de cette médiation culturelle et de l'orchestre symphonique qui entre de plus en plus dans la ville de Québec de toutes sortes de manières. Mais pour l'instant, on va entendre Petrouchka de Stravinsky. Bonjour, ici Angèle Dubois. CKRL est en plein radioton et j'aimerais vous rappeler que c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Alors soyez généreux. Cette émission vous est présentée par l'Orchestre saison, symphonique l'Orchestre du Québec. Symphonique du Québec se met au service de la pop avec 4 concerts. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Pierre Lapointe, l'enfant terrible de la chanson québécoise. La symphonie des jeux vidéo, un concert éclaté, interactif et multimédia. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Catherine Major avec son invité Ariane Moffat. Hydro-Québec, partenaire de saison. On entendait Pierre Lapointe qui fera partie de la programmation 2018-2019 de l'Orchestre symphonique de Québec. Et dans ce dimanche symphonique, ça tombe bien, on disait micro fermé, Pierre Lapointe, il va être à l'aise environnement-là. Le connaissant un peu, je pense qu'il va être un peu comme dans ses pantoufles, mais c'est l'exception parce que Pierre, justement, il est habitué de faire des projets tous azimuts, donc... il va être, ça va être formidable, c'est sûr. Ça va peut-être aller encore plus loin que d'autres projets qu'on a fait avec d'autres artistes. Mais justement, avec qui vous seriez allé le plus loin? Parce que il y a la musique, mais il ne faut pas la dénaturer non plus. Mais avec qui, là, on est vraiment sorti des sentiers battus, par exemple, dans les concerts pop? Mais cette semaine, c'était un bon exemple avec Simon Leclerc au podium puis aux arrangements. Donc, il est un arrangeur qui a travaillé beaucoup avec l'Orchestre de Montréal. Lui, c'est vraiment... lui, il impose ça aux artistes. Okay. C'est quasiment dans le contrat. C'est que tu vas arriver, tu vas être seul, tu vas te prendre un micro, puis tu vas chanter, tu vas écouter, puis tu vas embarquer dans notre trip. Donc, pour Rock Voisine. Oui. Donc, puis, tu sais, je me rappelle le c'est sûr que j'ai un peu un parti pris, mais le projet qu'on a fait avec mon frère Louis-Jean, c'était un peu ça aussi l'idée. Là. C'était vraiment de déconstruire ses œuvres, de ses chansons, puis de l'amener ailleurs, puis t'embarquer là-dedans avec beaucoup de plaisir aussi. Donc, c'est deux exemples qui me viennent en tête comme ça. Mais il y en a plein. Et c'est un des moments marquants, je crois, de ta carrière, d'avoir partagé la scène. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est un très, très beau moment. Ça va peut-être se reproduire. On se croise les doigts. on le souhaite. De plus en plus, on le disait, l'Orchestre symphonique de Québec fait des collaborations avec d'autres organismes culturels et s'immisce un peu partout, ce qu'on appelle la médiation culturelle. Pourquoi c'est important pour l'Orchestre symphonique de Québec de se présenter sous un autre jour que le concert dit traditionnel? Ben, c'est très, très important pour essayer de sensibiliser le plus de public possible, donc de varier un peu les produits, puis de trouver des stratégies donc pour aller peut-être rejoindre des publics qui n'iraient pas de façon spontanée à l'orchestre symphonique, mais qui, en découvrant la musique symphonique par différents biais, se dit justement, comme le disait Carl tantôt, « Ah, ben finalement, ça m'intéresse. » Puis finalement, la musique symphonique... j'en écoute depuis longtemps à travers des films, dans la vie de tous les jours. Donc, voilà. Donc, on varie nos stratégies pour essayer de rejoindre le plus de public possible. Et est-ce que c'est facile de trouver des partenaires qui ont envie de s'associer à la musique symphonique? Oui, parce que je dirais qu'à Québec, dans le milieu culturel québécois de la ville de Québec, il y a une très belle collaboration entre les organismes culturels et artistiques. Beaucoup de gens ont à cœur justement le développement culturel à Québec et puis on bénéficie d'une très belle collaboration des autres organismes tels que les musées, les organismes en danse, le théâtre. On a parlé tantôt de Flip Fabric, donc le cirque également. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de facilité à mettre en place des projets interculturels, multidisciplinaires. Et Benoît, qu'est-ce que les musiciens en pensent de ces projets, peut-être d'aller jouer ailleurs ou d'avoir des artistes du cirque ou justement des comédiens avec vous sur scène? Les musiciens sont vraiment ravis de toutes ces initiatives-là. Plusieurs années que dans les rencontres, dans les lacs à l'épaule, les musiciens demandaient qu'on révise un peu les formats, la façon de présenter les choses, la façon d'entrer en contact avec le public, puis même le chemin qu'une œuvre d'art doit faire ou peut faire pour entrer en contact avec le public. Il y a eu beaucoup de décennies dans notre histoire symphonique à Québec et aussi sur la planète musique, là, où le concert était dans un format très rigide. Mais je sais que j'ai des collègues, je pense à des collègues qui le disaient haut et fort, il faut oser faire des mises en espace, il faut oser aller dans des musées, aller dans des salles, aller dans des écoles. Donc ça fait des années que ça se dessine, mais là maintenant avec Emmanuel et son équipe, et qu'on a vraiment un département là qui est dédié à cette cause-là, donc c'est ça fait toute la différence. Puis on embarque là-dedans 100%. Ce qu'on essaie de faire dans le fond, c'est de créer une expérience client autre que je m'achète des billets pour aller voir un concert, je m'assois, j'écoute. Comme ça, aujourd'hui, il y a le zoo musical avec le petit concert, le petit musicien au Grand Théâtre. Le zoo musical, on amène les enfants une heure avant le concert où ils peuvent essayer des instruments, parler avec les musiciens. C'est une découverte éducative qui est complètement hors norme d'un concert classique. Ben oui. L'an prochain, on a l'intention d'amener des gens à s'asseoir sur la scène avec les musiciens. Donc, ils ne sont pas dans la salle, ils vont être assis sur la scène. à côté de peut-être notre ami Benoît. Un peu comme la journée à porter votre enfant au bureau, là. On peut être assis à côté de notre kidam. Ben c'est ça. Alors, les gens vont pouvoir vivre une expérience différente. Donc, on essaie d'améliorer l'expérience client. Et ça m'amène à un autre concert qu'on veut faire, le concert de fermeture l'année prochaine avec Lisette Oropesa, qui est une des grandes cantatrices qui a joué une centaine de fois au Met à New York. On veut créer une espèce de tapis rouge pour ce concert-là. Donc, les 61 musiciens vont amener 61 personnalités publiques au concert. On vous dira qui ils sont au moment. Je suis une personnalité publique, hein? Si jamais vous en manque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre des gens de la population à ça. Donc, on pourra faire partie du trio, finalement. Il y a 61 personnes du public qui pourront se joindre à ce duo-là et participer à un 5 à 7 avant et fouler le tapis rouge pour aller au concert. Donc, on déborde vraiment de la musique et on crée un espace et une expérience client autre. Et ça, je pense qu'il est de plus en plus apprécié. Mais de ce que je comprends, vous sortez vraiment dans plein de directions. Donc oui, avec les jeunes, on peut aller, par exemple, moi je sais que vous avez déjà croisé dans un centre commercial à Sainte-Foy, mais là on va avec un côté glamour, avec le tapis rouge. Donc c'est encore une autre direction. Vous allez vraiment partout. Ben comme je le disais, on essaye vraiment d'utiliser différentes stratégies pour rejoindre les différents publics. Et puis, je pense que ça fonctionne. On a vraiment un objectif d'être beaucoup plus présent dans la communauté. Comme le disait Benoît dernièrement, on a revu notre modèle d'affaires, puis c'est un des points qui est ressorti. Alors, donc, on essaie d'utiliser les différentes forces vives de l'orchestre, donc à la fois l'orchestre en grand déploiement, comme on va le voir au Grand Théâtre, mais aussi parfois en plus petite formation, en duo, en trio, donc en dehors des salles de concert. Donc, la médiation culturelle, c'est ça aussi, c'est varier les formats, comme le disait Benoît, les revoir, un peu les chambouler. Donc, parfois, les musiciens sont sur la scène, parfois, c'est les spectateurs qui vont être sur la scène, donc il y a toutes sortes de formules qu'on peut utiliser. Et ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est toujours pour mettre en avant la musique symphonique. C'est ça notre objectif. Ouais. Donc, c'est vraiment faire découvrir cette étincelle symphonique. Finalement. J'allais ajouter que ça se fait pas... ça se fait vraiment au service de notre mission, tout ça. Puis c'est sans aucun compromis artistique. C'est ce qui est beau. Ouais. Les gens de l'extérieur peuvent penser « Ah, c'est une démarche de popularisation, en tout cas de populariser la musique. » Pas vraiment, non. C'est pas de niveler vers un niveau plus inférieur. C'est au contraire, c'est au service. C'est pour que la musique symphonique prenne sa place, la place qui lui revient, en fait, mais avec beaucoup d'intégrité puis tout ce qu'elle a à dire, sans compromis. Ouais. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas bien ou qui sont négatifs envers ce genre d'initiative. Non, je pense pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... mais il y aurait pu. Ouais. Je sais que des fois, les concerts pop, il y a peut-être des puristes qui peuvent dire... Bah, mais d'ailleurs, tu me posais la question, les musiciens, vous pensez quoi de ça? Ouais. J'ai vu dans le coin de ton œil un peu... non, mais je trouvais que la question était intéressante parce que... C'est une décision qui vient d'en haut. Est-ce que ça nous dérange dans nos habitudes? Ça pourrait être une question qui se pose. Est-ce que... Bon, ça... Mais non, ça se fait de tout à fait naturellement. Parce que de jouer ailleurs que sur une scène, ça peut être déstabilisant, ça demande plus de concentration. Ça peut être, je sais pas, différent aussi pour le musicien. C'est sûr que ça repose, ce projet-là repose vraiment sur une collaboration immense de la part des musiciens. Et puis, on est très choyés à l'Orchestre symphonique de Québec, justement, d'avoir des musiciens qui participent vraiment avec enthousiasme à ce genre de projet. Mais comme le disait Benoît, c'est sûr que la qualité artistique, l'excellence artistique, c'est ce qui prime dans ces projet. Et puis, au contraire, je pense que la réaction des gens est très favorable à ces projets-là. Je parle du public, parce qu'ils se disent « Waouh, c'est incroyable, dans la vie de tous les jours, on peut être en contact avec des musiciens d'un orchestre symphonique, entendre cette merveilleuse musique. » C'est un défi, dans le fond, d'essayer de conserver notre clientèle qui est fidèle et d'aller chercher une nouvelle clientèle aussi. Et je pense que ce défi-là, on a réussi à le relever de belle façon, en ne frustrant pas, dans le fond, notre clientèle qui est déjà établie et en convainquant une nouvelle clientèle que l'Orchestre symphonique, c'est grandiose, c'est intéressant, c'est unique. Alors, je ne vais pas dire mission accomplie, parce qu'on est toujours en train de construire un travail, mais je pense qu'on réussit bien ce qu'on essaie de faire présentement. Et beaucoup aussi avec le jeune public. On va en parler dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on entende un extrait du troisième concerto pour piano de Prokofiev avec Charles-Richard Hamelin en concert les 12 et 13 décembre 2018 à l'Orchestre symphonique de Québec. C'était un extrait du troisième concerto pour piano de Prokofiev avec Charles-Richard Hamelin. En fait, c'est ce qu'il va jouer l'année prochaine. Oui. Mais ce n'est pas lui qui joue présentement. Oui, le concert est avec voilà. Charles-Richard Hamelin. C'est pas lui qu'on entend. 12 et 13 décembre prochain. C'est à l'horaire de l'Orchestre symphonique de Québec. Et ben, on parle beaucoup de la prochaine saison parce que c'est ce qui vient d'être lancé. Mais il y a encore des concerts là, jusqu'à la prochaine saison. Et aujourd'hui, c'est une journée quand même assez chargée. Tout à fait. On a une générale, une répétition générale et un concert famille, donc cet après-midi à 14h30, ainsi qu'un zoo musical dont parlait Carl. Et donc, avec, ça s'intitule Le Petit Musicien. Donc, c'est un texte de Gilles Thibault, un auteur bien connu ici. Et c'est en collaboration avec les Petits Mélomanes du Dimanche et le Théâtre Niveau Parking. Et donc, c'est vraiment un concert qui est destiné aux enfants. Donc, on attend beaucoup de familles cet après-midi. Et donc, c'est un moyen de faire découvrir la musique symphonique, justement, au jeune public. Il y a des comédiens sur scène. Donc, c'est un spectacle un concert très interactif. Alors, c'est toujours des beaux moments avec, évidemment, donc, le zoo musical où les enfants peuvent essayer les différents instruments. Avec nos musiciens. Donc, ça permet vraiment un contact, justement, avec les instruments, avec la musique. Donc, c'est très intéressant. Quels sont les instruments les plus populaires qui attirent les enfants? Il y a beaucoup la harpe. La harpe, souvent, il y a une file d'attente assez impressionnante. Je dirais, sinon, tous les instruments. Bon, les percussions, si on voit qu'il y a un certain intérêt. Les gros tambours. Voilà. C'est assez facile d'accès, là, en théorie finalement, et puis bon, les cuivres, les cordes aussi, les vents, les bois, je dirais tous les instruments suscitent beaucoup d'intérêt. Et d'aller chercher les enfants comme ça, ensuite il faut les capter pendant le concert, ça, c'est un autre paire de manches aussi. Et dans la programmation, il y a des rendez-vous comme ça qui sont dédiés à la famille. Il y en aura aussi certains dans la prochaine programmation. Oui, tout à fait. L'an prochain, donc, on a la boîte à joujoux en novembre. Donc ça, c'est une œuvre de Debussy. On va avoir des projections d'images, et le texte a été écrit par Marie Depléchin, là, qui est une auteure très connue en France. Alors je pense que ça va être un concert vraiment intéressant, un peu fantastique, donc avec une petite fille champignon qui sort d'un ordinateur et qui découvre différents jouets pendant la nuit. Et le second concert famille, le 31 mars 2019, ça va être Isabella et le langage universel, en collaboration avec les Jeunesses musicales Canada. Alors ça risque d'être très intéressant, et là aussi c'est une martienne qui atterrit sur Terre et qui découvre différentes populations terriennes, et donc qui découvre que le langage universel, évidemment, c'est celui de la musique symphonique. Ah voilà, tout s'explique. Benoît, d'accord avec cette affirmation? Oui, j'écoutais les descriptions puis je suis vraiment conquis là. J'ai très très hâte de voir une martienne puis un champignon magique, ou je sais pas trop. Exactement. Mais de jouer pour un public qui dépasse à peine peut-être des sièges, qui n'est pas nécessairement attentif, qui bouge aussi, c'est différent pour les musiciens. Ah oui, c'est très différent, mais c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui ont des enfants, dont moi-même. Mais on tient à ce que ces concerts-là soient extraordinaires, puis c'est le cas. Et on veut que ça se développe aussi. T'sais, on en a deux là, au programme l'an prochain. On espère développer ça encore plus. À l'occasion, c'est arrivé aussi à quelques reprises qu'on se déplace dans les écoles en collaboration avec le Club des petits déjeuners. Un super beau projet. Ouais. Donc, on va dans les gymnases, tout l'orchestre, jouer la musique symphonique. T'sais, c'est incroyable la réaction des jeunes. C'est magnifique. C'est touchant. Il y a une fébrilité, une électricité ou une admiration dans l'air? Oui, exactement. Moi, je trouve que les enfants, ce sont des êtres complètement ouverts. T'sais, il n'y a aucun jugement. Ils ne sont pas dans l'esprit critique du tout. Ils ne sont pas dans l'analyse, dans l'observation. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts à toutes les musiques. T'sais, je prends le concert de cet après-midi. On va jouer que du Rimsky-Korsakov, qui est un compositeur russe qui est magnifique, mais qui n'est pas nécessairement très connu. Et je suis convaincu que cette musique-là va les toucher, ça va les marquer, et probablement qu'ils ne sauront même pas que c'est du Rimsky-Korsakov, ou en tout cas, on va leur dire, mais on va... Oui, c'est probablement. Peut-être qu'il y en a un qui va lever la main. Un petit génie. mais non, c'est ça. L'idée, c'est vraiment que par osmose, il entre dans cet univers-là. Mais c'est vrai que le mot fébrilité, quand on parle des concerts qui s'adressent aux enfants ou des projets justement dans les écoles, c'est vraiment le mot-clé. Mmh. Les enfants, ils réagissent évidemment de façon très spontanée. Mmh. Donc c'est ça qui est touchant pour nous en tant qu'adultes, parce que là, on voit en fait vraiment l'impact de la musique symphonique sur eux. C'est vraiment, ils nous renvoient ça en pleine face, comme on dit, ouais. Parce que c'est ça qui est très intéressant pour les musiciens. Et ce qu'on apprécie aussi en tant qu'adulte, c'est vraiment ce qui nous renvoie de la musique symphonique en tant qu'enfant. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que nous, on se permet plus de faire? Ben, probablement, exactement. Moi, en tout cas. C'est un peu notre raison d'être, puis qui est illustrée comme ça, c'est qu'on... Oui. Sans prétention, je pense que ces jeunes-là vont peut-être avoir des chances de devenir de meilleurs citoyens, de meilleurs êtres humains plus complets, parce qu'ils ont été en contact avec ça, avec ces formes d'art-là très, très jeunes. Donc, la programmation est en fait ainsi. L'an prochain, peut-être que ces jeunes-là vont pouvoir accéder finalement à nos répertoires du soir aussi, quand on parlait du cirque Petrushka, Philippe Fabric, qui va être là. La symphonie du jeu vidéo, c'est des choses qui sont hallucinantes pour eux autres. Donc oui, c'est encore du symphonique, mais l'attractif autour fait en sorte qu'ils peuvent venir nous voir aussi à des heures autres que les concerts pour les jeunes qui sont ciblés le jour. Et à 14h30 cet après-midi, est-ce qu'il reste des places? Il en reste quelques-unes, alors on peut toujours se présenter au Grand Théâtre et puis acheter des billets sur place. Donc, on peut le faire pour ce concert famille cet après-midi. Sinon, il y en a dans la programmation 2018-2019 de l'Orchestre symphonique de Québec. OSQ.org. Voilà. Il y a des concerts, si on a encore un peu de temps, écoute, il y a des choses vraiment grandioses l'an prochain. J'écoutais Fabien qui nous a présenté ça la semaine passée. Même les musiciens qui sont habitués d'entendre, de voir des pièces, salivaient pratiquement à voir le contenu de la programmation. Mm-hmm. Entre autres, il y a Lise de la Salle avec le RAC 3 de Rachmaninoff. C'est des classiques pour les gens qui sont vraiment des mélomanes durs. Si vous avez vu le film Le Prodige, qui rappelait la vie de David Elfgott, le gars s'est rendu malade à essayer, dans le fond, de jouer cette pièce-là, tellement c'était complexe. Ouais. Alors, on aura ça l'année prochaine. Le concert de Lisette Oropessa, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Et toute la programmation est sur... Toute la programmation est sur OSQ.org, donc allez voir là-dessus, c'est vraiment intéressant. Et je rappelle qu'à la... Excuse-moi, juste une petite mention, puis on le salue, notre maestro, notre directeur musical, Fabien Gabel. Chaque année, on l'invite à l'émission. Qui est au cœur de cette programmation-là, qui est formidable. Mais oui, on le salue d'ailleurs, et je vous remercie d'avoir été là. Carl Angelier, directeur du marketing et des communications. On avait également Emmanuel Pékin, directrice de la médiation culturelle et des projets spéciaux. Benoît Cormier, violoniste. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a un lot d'encore avec l'Orchestre symphonique de Québec. Vous pouvez miser dessus maintenant. C'est un forfait à la carte pour 4 concerts. 418-640-2575. Et on va se laisser sur un extrait de Beethoven avec la symphonie pastorale qu'on pourra voir le 24 mars 2019 dans la série Beethoven. Donc, c'est un dimanche. On en a parlé un peu plus tôt. Évidemment, le Radioton de CKRL se poursuit. Il y a déjà un public sur place. Merci d'être là à une heure si tôt. Et donc, vous pouvez être ici toute la fin de semaine qui se termine tout à l'heure. Donc, 405 3e Avenue, venez nous rejoindre.